الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on commence aujourd'hui ce livre dans l'explication de Kitab al-Iman de Sahih Muslim. Et comme on l'a expliqué au dernier cours, dans le cours de l'explication de l'introduction de l'imam Ibn Majah, expliqué par le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, on a expliqué que les imams, les ulama d'Ahl-Sunnah, ils ont mis dans les livres de hadith leur aqidah. Ils ont écrit leur livre de hadith, et en même temps, en écrivant ces livres de hadith-là, c'est en même temps pour expliquer leur aqidah, c'est-à-dire la aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, la aqidah des salafs. Alors, quand vous regardez ces livres-là, vous voyez les chapitres, vous voyez les titres, vous voyez les sujets, vous voyez les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez la parole des sahaba, vous voyez la parole des tabi'in, vous comprenez donc que le aqidah, c'était ce qui est mentionné dans ces livres-là, dans ces hadiths-là. Et ici, par exemple, on a Kitab al-Iman de l'imam Muslim. C'est le premier chapitre dans son livre, l'imam Muslim. Son livre, Sahih Muslim, il commence par Kitab al-Iman, le livre de la foi. Et, bien entendu, dans ce livre-là, non seulement il mentionne les hadiths qui expliquent la définition de la foi selon Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, mais il mentionne également des points qui réfutent la position des Khawarij et la position des Murji'ah, et des sectes qui ont dévié au sujet de la foi aussi. Donc, non seulement c'est une affirmation de la aqidah d'Ahl-Sunnah, mais c'est en même temps une réfutation de la position des sectes qui ont dévié à ce sujet-là. D'accord? Donc, ça c'était l'attitude et la méthode des ulama de hadith pour expliquer leur aqidah. On retrouve la même chose dans le livre de l'imam al-Bukhari. Il y a Kitab al-I'tisam de l'imam al-Bukhari dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui s'appelle Al-I'tisam. Dedans, il mentionne les éléments qui ont rapport avec le fait de s'accrocher à la sunna et de rester ferme sur la sunna et ainsi de suite. Et il parle de manhaj de Ahl-Sunna là-dedans. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, il est en train justement de faire les commentaires sur son charh de ce livre-là actuellement, au moment où on se parle, là, c'est-à-dire pas maintenant, mais c'est-à-dire il a commencé depuis, je crois, 2 ou 3 semaines à faire ça. Et le livre qu'il explique, c'est son charh de Kitab al-I'tisam de l'imam al-Bukhari. Il y a aussi un chapitre dans Sahih al-Bukhari qui s'intitule Kitab al-Tawhid. Hein? Et il y a également d'autres chapitres dans lesquels il y a la défense de la aqidah de Ahl-Sunnah et le manhaj des salafs sur différentes questions. Dans l'introduction de l'imam Ibn Majah, comme on va le voir dans les cours qui vont venir, lorsqu'on va faire le livre en question, eh bien vous allez voir que c'est la même chose. L'introduction de l'imam Ibn Majah, c'est une défense du manhaj des salafs et de l'aqidah salafiyya. La même chose pour l'imam Abu Daoud. Ça, on va le faire aussi par la suite, si on a le temps, inshallah, un jour, de faire le chapitre du sunan de l'imam Abu Daoud, qui s'intitule Ar-Raddu ala al-Jahmiyya. Hein? Il réfute les Jahmiyya dans son livre et il confirme la position d'Ahl-Sunnah et la aqidah des salafs sur différents points. Il y en a d'autres également. Donc, il y a aussi Kitab al-Sunnah, le chapitre Kitab al-Sunnah de l'imam Abu Daoud et d'autres imams aussi. Donc, tous ces imams-là, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, l'imam Muslim, l'imam al-Bukhari, ils ont tous traité du manhaj et de l'aqidah des salafs. Ça, c'est sans compter d'autres livres qu'ils ont écrits en dehors du, de leur sahih et en dehors des sunan qui également confirment la aqidah et le manhaj des salaf. Il y a l'aqidah de l'imam al-Bukhari, elle est connue hein, dans Usul al-i'tiqad ahl-sunnah wal-jama'ah de l'imam al-Lalaka'i. Il y a le texte de l'aqidah de l'imam al-Bukhari qui est très célèbre. La même chose aussi pour plusieurs autres d'entre les imams, comme l'imam Ahmad, al-Sunnah de l'imam Ahmad, et al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, et al-Sunnah du fils de l'imam Ahmad, et al-Sunnah de al-Khalal, et al-Sunnah de Ibn Abi Asim, et ainsi de suite. Tous ces livres-là sont des livres dans lesquels les imams d'Ahl-Sunnah expliquent et clarifient la aqidah des salafs. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir que, à notre époque en particulier, beaucoup de ulama reprennent ces livres-là et ils les expliquent et ils les clarifient, et on voit que les chapitres de ces livres qui clarifient donc la aqidah et le manhaj, ils les font, ils les expliquent de manière séparée, hein, et puis ils les publient comme livres de aqidah. Hein, et on a vu ça avec ce livre-là, on a vu ça avec le livre de l'imam al-Bukhari, Kitab al-I'tisam, on a vu ça aussi avec Kitab al-Tawhid hein, de l'imam al-Bukhari. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a un livre qui s'intitule Sharh Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari. Il explique le chapitre de Tawhid de l'imam al-Bukhari dans son sahih. Et il y a aussi le livre de la sunna de l'imam Abu Daoud, expliqué par le cheikh Ahmed al-Najmi et d'autres ulama aussi. Donc c'est pour dire que les ulama, ils font revivre donc cette voie et cette méthode, et ils ramènent donc les gens aux paroles des ulama, les salafs, et aux hadiths, et à la source même et à la base même des preuves sur lesquelles sont basées les positions d'Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Donc ayant dit ça, on va commencer donc avec Kitab al-Iman et le Sharh de Cheikh Rabi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala sur ce livre. Et il commence le livre avec le chapitre numéro 20. Une chose à clarifier peut-être qui serait intéressante de savoir, c'est que les titres qui sont mentionnés dans le sahih de l'imam muslim aujourd'hui, c'est pas des titres qui ont été ajoutés par l'imam muslim lui-même. C'est des titres qui ont été rajoutés par, si je ne me trompe pas, c'est l'imam al-Nawawi. Parce que l'imam al-Nawawi, il a écrit un sharh de sahih muslim. Il a écrit un sharh de Sahih Muslim et il a rajouté les chapitres, les titres des chapitres. Contrairement à l'imam al-Bukhari qui lui, non seulement il a rassemblé les hadiths, mais il a également donné un titre à chaque chapitre et à chaque sous-chapitre. Et c'est dans ces titres qu'on retrouve le fiqh de son livre. Hein? C'est dans ces titres-là qu'on retrouve son fiqh. Mais même si l'imam muslim n'a pas mis de titre lui-même, sa classification, elle est très claire. La classification de l'imam muslim, comment il a classifié les différents hadiths selon les sujets, elle est vraiment claire et elle est vraiment précise. Donc c'était un travail que l'imam al-Nawawi a fait de rajouter les titres, mais sinon c'était un travail qui était pas compliqué puisque les sujets des hadiths sont vraiment bien séparés. Et en disant, on va commencer tout de suite la lecture du livre. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous aide dans la lecture de ce livre. Naam. Bon, on va lire l'introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyihi wa rasulihi Muhammad. Khairu khalqihi ajma'in. وعلى أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا سفر مبارك من نتائج شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله حفظه الله تعالى نخرجه لطلبة العلم ومحبيه وناشد الحق ومبتغيه وسالك منهج السلف الصالح وأميه وأميه وتضمن شرحا لأكثر أبواب كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى أفاد فيه الشيخ حفظه الله فوائد عزيزة وأبدى فيه نكتا وجيهة وتعقب الشارح أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في مسائل عقدية عديدة زل فيها عن الصواب وتابع فيها رؤساء الكلام من أهل الزيغ والارتياب كما برهن الشيخ حفظه الله على وهاء تلك المقولة التي يزعم صاحبها أن مسلما بعبقريته صنف كتابه الذي سماه الصحيح لبيان العلل لا على طريقة أهل العلم السابقين وبعدهم من اللاحقين ولكنه ابتدع تصنيفا لا يهتدي إلى مراده منه إلا الأفذاذ من أمثال هذا الزاعم. ودلل الشيخ أيضا على تهافت القاعدة التي ادعاها أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله التي مفداها أن مسلما جرى على طريقة في ترتيب أحاديث الباب يرد الإسناد الأقوى ثم الذي يليه وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الكتاب مباحث ومسائل ونقول ودلائل يسعى إلى تحصيلها أولو الهمم وأهل الفضائل. وأصل هذا الشرح دروس ألقاها الشيخ حفظه الله على الطلبة في بيته فجمع منها ما أمكن تحصيله ونقح وصحح ووثقت نقوله وخرجت أحاديثه وآثاره ثم عرض على الشيخ فأذن بطبعه ونشره جزاه الله خيرا. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب النفع الكبير وأن يثيب شيخنا عليه الثواب الحسن الجزيل ويجعله صدقة جارية ينمى له أجرها إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Donc dans cette petite introduction ici, hein, qui est courte mais qui est bien remplie de points intéressants, il explique que c'est un livre bénéfique et un livre béni parmi les choses que notre cheikh al-allama cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala a fait sortir pour les étudiants en sciences et ceux qui l'aiment et ceux qui défendent la vérité, qui recherchent la vérité, qui suivent la méthodologie des pieux prédécesseurs. Et il comprend un commentaire, une explication de la plupart des chapitres de Kitab al-Iman, de Sahih Muslim. Son nom au complet, sa kunya c'est Abul Hussein, et son nom c'est Muslim ibn al-Hajjaj, c'est-à-dire Muslim fils de al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. Hein, donc il vient de la région de Naysabur, c'est quelque part dans la Perse, hein, où il y en a qui disent dans le nord de la Perse, près de Tashkent, près de Samarkand, dans cette région-là. C'est des régions dans lesquelles il y avait beaucoup de grands imams de la Sunna, hein, des grands savants de la Sunna. Même l'imam al-Bukhari, il vient de Bukhara, hein, à l'origine. Donc il dit, donc le cheikh Rabi' hafizahullah, il a ramené dans ce livre beaucoup de points très bénéfiques et des questions très importantes, et il a parfois également critiqué les propos de cheikh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, parce que l'imam al-Nawawi parfois il a dévié dans certaines questions de la croyance, et il a supporté dans certaines explications la position des gens de kalam, la position des gens de philosophie, et il a dévié donc dans ces questions-là. Et le cheikh Rabi, il l'a corrigé sur ces points-là lorsqu'il s'est trompé. Et il a donc fait comprendre que yani, l'imam al-Nawawi s'était trompé dans ces questions-là en s'imaginant que la méthodologie que l'imam muslim avait suivie dans son livre, c'était une méthodologie qui contredisait celle des savants précédents et de ceux qui les ont suivis. Parmi les hommes de science qui étaient sur la voie des salafs, hein, et ils s'imaginent qu'il fait partie de ceux qui ont innové et qui ont suivi une voie parmi la voie des gens de Kalam, et ainsi de suite. Et il établit également la preuve de la fausseté des règles qui ont été prétendues par Abu Amr ibn Salah, qui prétendent que la méthode dont l'imam muslim a ordonné les hadiths de son chapitre, c'était en commençant par la chaîne la plus forte, puis celle qui la suit, et celle qui la suit en descendant. Et donc il réfute ce point-là. Et il y a beaucoup de points, d'autres questions qui ont été clarifiées aussi dans ce charh également. Et à la base, c'était des cours que Cheikh Rabi avait donné à certains de ses élèves dans sa maison. Et il a ramené ce qu'il a pu ramener et clarifier. On a nettoyé, purifié, corrigé. Qu'est-ce qu'on a pu corriger de ces questions-là? Puis ensuite, on a fait le tahrij des hadiths et après, on les a présentés au Cheikh. Et le cheikh, il a donné la permission donc pour que ce livre-là soit publié par la suite. Et donc, il a été publié, qu'Allah le récompense pour ça. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce soit un livre qui est avec un grand bienfait, et de récompenser également le cheikh de la meilleure récompense possible, et de faire en sorte que ce livre-là soit une aumône qui va continuer à croître pour lui jusqu'au jour de la résurrection. Après, le cheikh, il commence donc le premier chapitre qu'il a expliqué dans Kitab al-Iman, c'est le chapitre 20. Il commence avec le chapitre 20 qui s'intitule Bab bayan kawn an-nahy 'an al-munkar min al-iman wa an al-iman yazid wa yanqus wa an al-amr bil ma'ruf wan-nahy 'an al-munkar wajiban. Le titre, il est assez long, mais il est rempli de fiqh, il est rempli de science, et il y a plusieurs points qui sont mentionnés dans ce titre-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le traduire en même temps pour l'expliquer, puis on va lire les hadiths par la suite. Le chapitre s'intitule l'explication du fait que l'interdiction de faire le mal fait partie de la foi. L'interdiction du mal fait partie de la foi. Et que la foi augmente et diminue, et que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal sont deux obligations. Ça, c'est le titre de ce chapitre. Donc, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui sont mentionnés dans le titre en question. Le cheikh dit, قال l'imam muslim, rahimahullah, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهكذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc, le premier hadith qui est rapporté ici par l'imam Muslim dans son sahih, c'est le hadith qui est rapporté. Il dit, bon, je ne sais pas si vous voulez que je répète toute l'isnad ou bien que je ramène juste le dernier rapporteur qui est mentionné. Puisque je l'ai déjà lu en arabe, donc ce n'est pas nécessaire de le répéter, de répéter tous les noms. Donc il dit, selon Tariq ibn Shihab, et ça c'est le hadith de Abu Bakr, il dit que la première personne qui a commencé à faire la khutba avant la prière de Eid, c'était Marwan. Hein? Il dit, donc, il s'est levé, il y a un homme qui s'est levé, un homme qui s'est levé vers lui et qui lui a dit, la salat doit être avant la khutbah. Hein, le jour de Eid, la salat doit être avant la khutbah. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Marwan a dit, ça a été délaissé. Pourquoi? Parce que, yani, lui, peut-être qu'il a constaté ou il a vu peut-être que des gens restaient pour la salat, puis que par la suite ils partaient, ils n'écoutaient pas la khutbah. Donc lui, il a pensé que pour forcer les gens à écouter la khutbah, il a commencé par la khutbah en premier, puis après il a fait la salat. Et ça c'est bien entendu incorrect. Donc, cette personne l'a corrigé. Et il dit, قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ. Abu Sa'id a dit, celui-là, il a fait son devoir. Hein? Il a fait ce qui était obligatoire pour lui. C'est-à-dire, il s'est levé, il lui a fait le bon conseil. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur, et cela est le niveau le plus faible de la foi. Il cite l'autre hadith suivant. En fait, il cite uniquement la chaîne. Il dit, Haddathana Abu Kuraib, Muhammad ibn al-Ala, qala haddathana Abu Muawiya, qala haddathana al-A'mash, an Ismail ibn Raja, an Abihi, عن أبي سعيد الخدري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. Donc il cite une autre chaîne de transmission pour ce même hadith. Et le Cheikh Rabi', il fait un commentaire ici. Il dit, التعليق هذا تدقيق من تدقيقات مسلم رحمه الله في نقله هذه النصوص يدقق فيها في المعاني وفي الألفاظ وفي اختلاف الألفاظ رحمه الله. وهذا الحديث مداره على قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وعن أبي سعيد الخدري وعن قيس معطوف على إسماعيل ومعناه رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس والله أعلم. وفي الحديث أن رجلا أنكر على مروان الصلاة قبل الخطبة فأيده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc le cheikh, il dit que ça fait partie des façons méticuleuses de l'imam muslim de ramener les textes et de les transmettre en vérifiant également les détails des différentes significations et des différents termes qui sont employés, des termes différents qui sont employés dans chaque narration. Et il explique que ce hadith-là, à la base, le tournant le point central de la chaîne de transmission, ça s'est transmis à la base par Qais ibn Muslim, selon Tariq ibn Shihab, selon Abi Sa'id al-Khudri. Après, il explique que c'est un homme qui a reproché à Marwan de faire la salat avant la khutbah. Et Marwan, c'est un dirigeant de l'époque. Hein? Et, Abu Sa'id al-Khudri, un des compagnons, radiallahu anhu, l'a supporté dans ce qu'il a dit. Il était d'accord avec lui dans ce qu'il a dit et il a utilisé comme preuve le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui d'entre vous qui voit un mal quelconque alors qu'il le change par sa main, et s'il n'est pas capable alors qu'il le change par sa langue, et s'il n'est pas capable alors qu'il le change par son cœur, et ça c'est le plus faible niveau de la foi. Ensuite il mentionne les hadiths suivants. Haddathani Amr al-Naqid وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في الأمة في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع حدثته عبد الله ابن عمر فأنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناته فاستتبعني إليه عبد الله ابن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر قال صالح قال تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع وحدثنيه أبو بكر ابن إسحاق ابن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. التعليق هذا حديث فيما أعرف مما أنكره الإمام أحمد رحمه الله لأنه رأى أنه يخالف أحاديث الصبر على الولاة. Donc ici le hadith suivant, c'est le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud par Abi Rafi. Abi Rafi, selon Abdullah ibn Mas'ud, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un prophète que Allah a envoyé à une nation avant moi, excepté qu'il avait des supporters et des compagnons qui prenaient sa sunna et qui suivaient son ordre et qui se basaient sur son ordre. Puis il y a d'autres personnes qui sont venues par la suite, qui n'ont pas été fidèles à ce que le prophète avait enseigné. Ils disent Ils disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qui ne leur ont pas été ordonné de faire. Quiconque les combat par sa main, c'est un croyant. Quiconque les combat par sa langue ou lutte contre eux par sa langue, c'est un croyant. Quiconque lutte contre eux par son cœur, c'est un croyant. Mais derrière cela, il n'y a pas une graine de moutarde de foi. Il dit que Abu Rafi, il a rapporté donc ce hadith à Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar l'a réprimandé. Il a refusé ce hadith-là de lui. Alors, ils sont allés voir Ibn Mas'ud. Hein, et il l'a fait suivre hein, ce hadith-là. Il lui a demandé de l'amener là-bas pour faire répéter ce hadith. Il dit, quand ils se sont assis, ils ont demandé à Abdullah ibn Mas'ud de répéter le hadith. Alors, il l'a répété comme je l'avais dit à Ibn Omar. Et Salih a dit, je l'ai entendu répéter de cette façon de Abi Rafi, la même chose. Hein? Après, il dit, il rapporte une autre chaîne de transmission selon Abi Rafi. Et Abu Rafi, c'était le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il mentionne la même chose. Il n'y avait pas un prophète, hein, excepté qu'il avait des supporters qui se basaient sur sa guidance et qui suivaient sa sunna. Et naam. Excepté que dans cette narration-là, il n'a pas mentionné le fait qu'ils sont allés voir Abdullah ibn Mas'ud avec Ibn Omar. Cheikh Rabi, il explique ici à ce sujet je vais continuer l'explication. Il dit At-Ta'liq, هذا الحديث فيما أعرف وعليكم السلام ورحمة الله مما أنكره الإمام أحمد رحمه الله لأنه رأى أنه يخالف أحاديث الصبر على الولاة. إذ عن أحمد ابن حنبل رحمه الله قال هذا الحديث غير محفوظ. قال هذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود, وابن مسعود يقول اصبروا حتى تلقوني, وهذا كلام القاضي رحمه الله. وقال الشيخ أبو عمرو هذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله, وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات, ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة, ثم إن الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح ابن كيسان المذكور. وذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخرى, منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est dans le sharh de l'imam Muslim. C'est-à-dire c'est les paroles de l'imam al-Nawawi. Il dit, وهذا الحديث وهذا التعليق من الإمام أحمد رحمه الله له نظائر. قد يكون الحديث إسناده صحيحا لكن من حيث المعنى يستنكر معناه رحمه الله. هذا وإن كنا لا نوافق عليه لكنه من الشواهد على أن أهل الحديث لا يتعلقون بالأسانيد فقط بل ينظرون إلى المعاني رضي الله عنهم. فقد يكون الحديث إسناده صحيحا ولكن معناه منكر يخالف النصوص الأصح منه وقد يخالف الآيات. وهؤلاء القوم ولله الحمد عندهم فقه عميق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة ويميزون بين ما يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما لا يصح نسبته أكثر من غيرهم من المتطفلين من المحاربين للسنة وأهلها كالمعتزلة والخوارج والروافض والعقلانيين في هذا العصر الذين يقولون عن أهل الحديث أنهم ليس لهم عناية إلا بالأسانيد ولا عناية لهم بالمتون وهذا كذب فأحمد رحمه الله له انتقادات لبعض المتون وقد يصيب فيها وهذا في الظاهر أنه اجتهاد منه وحجته أن عبد الله له أحاديث أخرى له أحاديث غير هذا وأنه يأمر بالصبر وهذا يوحي بأنك لا تصبر لأن فيه الجهاد باليد وباللسان ويمكن أن يتعلق به الخوارج وأهل الفتن ويسلمون به ويسلون به السيوف على الأئمة فإذا استغله أهل الضلال لابد من الفقه فيه ويجمع بينه وبين النصوص التي يرى أحمد أنها متعارضة لأنها مقيدة بالاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فهذه مقيدة بالاستطاعة وعدم تحقق المفاسد وأيضا لابد أن تتحقق فيه الشروط التي استقاها أئمة الإسلام من الوحيين. نعم دونك ici l'imam Cheikh Rabi il explique que il dit d'après ce que je sais c'est quelque chose ce hadith là qu'on a lu hein, celui qui le combat par qui lutte contre lui avec sa main c'est un croyant, celui qui lutte contre lui avec sa langue c'est un croyant, celui qui lutte contre lui avec son cœur c'est un croyant et derrière cela il n'y a pas une graine de moutarde de foi. Cheikh Rabi, il dit ça, selon ce que je sais, c'est quelque chose que l'imam Ahmad a rejeté. Il n'a pas accepté ce hadith-là, parce qu'il considère que le hadith est en contradiction avec les hadiths qui ordonnent d'être endurant et de patienter vis-à-vis des dirigeants. Et là, il va citer les paroles de l'imam al-Nawawi, justement à ce sujet-là, dans les paroles de l'imam al-Nawawi dans son Sharh de Sahih Muslim. Et voici ce que l'imam al-Nawawi a dit. Il dit, il est rapporté selon l'imam Ahmad ibn Hanbal qu'il a dit, rahimahullah, que ce hadith n'a pas été préservé. Hein? Et il a dit, cette parole ne ressemble pas à la parole d'Ibn Mas'ud. Puisque Abdullah ibn Mas'ud, lui, il a dit, soyez endurants jusqu'à ce que vous me rencontriez. Hein? C'est-à-dire dans l'au-delà, auprès de la fontaine ou auprès du bassin, hein? Duquel vont boire les croyants au jour de la résurrection. Et donc cette parole, il considère que c'est pas quelque chose d'authentique, ou bien que sa signification n'est pas en accord avec les autres hadiths qui supportent le fait d'être patient vis-à-vis de l'injustice des dirigeants. Et il dit ça, c'est la parole de Al-Qadi rahimahullah. Après, il dit que le Cheikh Abu Amr a dit ce hadith, il a été rejeté par Ahmad ibn Hanbal. Rahimahullah. Et il a été rapporté par Al-Harith, hein, et un groupe d'entre les rapporteurs qui sont fiables. Et il dit, on ne trouve pas leur nom dans les livres des rapporteurs qui sont faibles. Il dit, dans le livre de Ibn Abi Hatim, selon Yahya ibn Ma'in, il est dit que c'est un fiable, c'est un rapporteur qui est thiqa. Et en même temps, Al-Harith ne l'a pas rapporté tout seul. C'est pas le seul qui l'a rapporté. Il a été suivi sur cette narration. Yani, selon ce que je me rappelle, il dit par la parole de Salih ibn Kaysan qu'on a cité. Et également, l'imam Ad-Darqutni rahimahullah a mentionné dans le livre Al-Ilal que ce hadith a été rapporté de plusieurs façons, de plusieurs autres façons. Et parmi celles-ci, selon Abi Waqid al-Layfi, selon Ibn Mas'ud, yani que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Cheikh Rabi, il fait un commentaire ici par rapport à ce passage. Il dit, cette explication de l'imam Ahmad, elle a d'autres exemples. C'est pas la seule exemple de ce genre de propos de la part de l'imam Ahmad. Il dit que c'est possible que parfois le hadith ait une chaîne de transmission qui soit authentique, mais sur le plan de la signification, quand on regarde son sens, il considère que son sens est pas correct. Sa signification, il considère qu'elle n'est pas correcte et il rejette sa signification. Et il dit ça, même si nous on n'est pas d'accord avec lui sur ce point-là, qu'est-ce qu'il a dit maintenant, mais il y a des exemples qui supportent que ça fait partie des exemples qui supportent que les gens du hadith, lorsqu'ils jugent un hadith et son authenticité, ils ne se rapportent pas seulement à la chaîne de transmission, mais ils observent également la signification du hadith aussi pour déterminer son authenticité. Et il dit, on voit que parfois la chaîne de transmission peut être authentique, mais que la signification est mauvaise. Pourquoi elle est mauvaise? Parce qu'elle vient en contradiction avec d'autres textes qui sont plus authentiques que lui, ou bien parfois même en contradiction avec certains versets du Coran. Et donc ces gens-là, c'est-à-dire les gens du hadith, les savants de hadith, ils ont une compréhension très profonde de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté et une compréhension profonde du Coran et de la Sunna qui fait en sorte qu'ils sont capables de distinguer entre ce qui est authentique de ce qui est attribué au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et ce qui n'est pas authentique de ce qui lui est attribué. Plus que ceux parmi les gens qui font des enfantillages, parmi les opposants et ceux qui font la guerre à la sunna et aux gens de la sunna, comme les sectes des Mu'tazila, des Khawarij, des Rawafid et des Aqlaniyin de notre époque, c'est-à-dire les gens qui veulent rationaliser avec la religion, qu'on appelle en arabe Al-Aqlaniyoun. C'est une secte contemporaine qui rejette les hadiths authentiques en se basant sur leur logique ou leur point de vue. Et donc le cheikh il dit ceux qui disent que les gens de hadith, ils ne font que regarder la chaîne de transmission, ils ne regardent pas les textes du hadith pour juger l'authenticité. Et il dit ça c'est un mensonge. L'imam Ahmad rahimahullah, il a plusieurs critiques de certains textes et parfois il peut avoir raison comme parfois il peut se tromper dans ces jugements-là. Et qu'est-ce qui est le plus apparent, c'est que c'est un ijtihad, un effort de jugement de sa part. Et son argument qu'il ramène pour justifier sa position, c'est que Abdullah ibn Mas'ud a d'autres hadiths à ce sujet qui ordonne d'être endurant et d'être patient. Et donc, il considère que le hadith en question donne l'impression ou inspire qu'il ne faudrait pas être patient et endurant, mais plutôt de lutter par la main et par la langue. Et c'est possible que certains parmi les Khawarij, les gens de la fitna, essaient de s'accrocher à cette signification-là pour justifier le fait de prendre les épées contre les dirigeants. Et que le cheikh il répond à ça en disant que si jamais des gens de l'égarement voulaient essayer de profiter de ce hadith-là et de l'utiliser dans ce sens-là, alors il faut bien comprendre sa vraie signification et ramener les autres textes qui viennent, ceux que l'imam Ahmad a mentionnés comme étant opposants, et les ramener pour restreindre la signification du hadith en question en mentionnant qu'il faut avoir la capacité, par exemple. Comme dans l'autre hadith qu'on a lu avant, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par son cœur. » Donc on voit qu'il y a la restriction ici de la capacité. Et que si on n'est pas capable également de faire en sorte que ça ne ramène pas plus de méfaits et plus de mal, il faut s'abstenir de le faire. Hein, comme on a mentionné justement, on parlait de ça avant le cours. Et également, il faut également vérifier que les... Il dit... وأيضا لابد أن تتحقق فيه الشروط التي استقاها أئمة الإسلام من الوحيين. Il faut également tenir compte de, du fait qu'on a vérifié que les autres conditions que les ulama de l'islam et les imams de l'islam ont établies sur cette question tirées du Coran et de la Sunna soient présentes aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se base pas juste sur un hadith sans tenir compte des autres textes. Et si on prend ce hadith-là et qu'on le met en relation avec les autres hadiths qui parlent de ce sujet, on est capable de comprendre que le hadith en question, il est restreint par d'autres hadiths aussi. Le cheikh, il dit ensuite, et on va terminer, c'est un petit point, il dit « وَأَمَّا قَوْلُهُ إِسْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ فَذَلِكَ حَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سَفْكُ الدِّمَاءِ أَوْ إِثَارَةَ الْفِتَنِ أو نحو ذلك وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة وعلى أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو. Il dit en ce qui concerne la parole lorsqu'il dit « Soyez patient jusqu'à ce que vous me rencontiez hein, » de Abdullah ibn Mas'ud, il dit ça, c'est, ça implique que, ça, il dit que c'est dans le sens que ça n'implique pas que le sang soit répandu et que ça ne ramène pas de la fitna. Hein, puisque il est rapporté dans le hadith qu'on a lu, le deuxième hadith qu'on a lu, hein, de lutter contre les gens de la fausseté par la main et par la langue, ça c'est uniquement dans le cas où ça ne ramènera pas de la fitna. Hein. Et aussi certains l'ont pris dans le sens que c'est un hadith qui était mentionné au sujet des nations qui nous ont précédés. Et il n'y a aucune mention dans ce hadith-là de cette umma, c'est-à-dire la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la fin de ce que de la parole de Abu Amr à ce sujet-là, c'est-à-dire Abu Amr ibn Salah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera au prochain cours la suite de l'explication inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.